L'actualité à Nancy et ailleurs. La 24e édition du Festival international du film de Nancy se déroule jusqu'au dimanche 2 septembre sur le site de la manufacture notamment. Pilar, bonjour. Bonjour Yves. Vous vous occupez donc de l'organisation, de la coordination de cette 24e édition du Festival international du film de Nancy. Et nous avons la chance de vous retrouver chaque jour pour nous présenter un peu le programme de cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 25 août. On va voir avec vous quel est le programme. Mais avant cela, un coup de projecteur sur l'affiche qui ne laisse pas indifférent chaque année du Festival international du film de Nancy. Les auditeurs ont peut-être pu apercevoir dans les rues de Nancy les affiches d'une femme avec une tête de chou. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il s'agit du photographe David Stewart, avec qui on a l'occasion, l'opportunité de travailler pour la troisième année. Lui, il est un photographe britannique assez reconnu, qui fait des expositions dans des grandes galeries à Londres et partout dans le monde. Il a fait déjà des sessions photos pour des groupes comme des Ramones, des Clash, et il a aussi réalisé des courts-métrages qui ont été, notamment Chou, qui a été nominé à un prix BAFTA. 1995. Justement, ces courts-métrages, c'est né de la session photographique de cette dame tête de chou qui s'appelle Chou. Et il s'est dit, pourquoi, si on fait des sessions photo avec tout le matériel, pourquoi pas faire aussi des sessions vidéo? Donc, il a décidé de tourner un court-métrage qui sera projeté lors de la cérémonie de clôture du festival, Chou. Voilà. Donc, merci David Stewart. Il y a sa représentante qui sera présente sur le site du festival. Et nous sommes vraiment très reconnaissantes parce que c'est vraiment des photos qui, comme tu viens de dire, ne laissent pas les spectateurs indifférents. Exactement. Donc, voilà pour l'histoire de cette affiche, de cette 24e édition. Et nous sommes donc aujourd'hui le samedi 25 août. Intéressons-nous donc au programme de cette journée. Que va-t-il se passer aujourd'hui sur le site de la manufacture notamment? Tout commence depuis 10h du matin jusqu'à 1h15 du lendemain. Donc à 10h du matin, nous avons une fiction, c'est Berlin Alexanderplatz. Donc c'est une série que nous allons pouvoir voir ces 6 différents épisodes sur différents moments. Donc ce samedi, nous allons voir les premiers 3 épisodes. Berlin Alexanderplatz, une coproduction Allemagne-Italie, de Rainer Werner Fassbinder. Ensuite, nous avons 3 projections jeunes publics dans 2 différents lieux, à 14h15 et à 16h30, à voir dans les programmes et à savoir que nous aurons des projections pour les 6 ans et bien après, 9 ans et bien après, et à 16h30, 3 ans et bien après. Nous avons des projections de documentaires en compétition européenne, Dead Donkeys, nous avons aussi Avec l'amour, et enfin Svenka. Nous avons bien sûr, pour notre compétition internationale des courts-métrages, la projection de la sélection numéro 5, numéro 4, numéro 3. Et à ne pas oublier qu'aujourd'hui, c'est très important parce que c'est notre cérémonie d'ouverture qui aura lieu à 19h30 au cours de la manufacture, qui sera suivie du concert du groupe Based, un groupe de la région qui tourne beaucoup dans la région à Paris et en Angleterre. Donc nous avons la chance de les avoir ici, c'est rock, c'est grunge. Ce concert sera suivi de la projection du film Secret Ingredients, qui est une coproduction macédoine avec la Grèce. Et c'est un film sur un ingrédient qui est secret dans un gâteau et des voisins qui veulent savoir c'est quoi ce secret. D'accord. Et enfin, nous avons la fête. Nous avons aussi une projection des courts-métrages. Donc d'abord, les courts-métrages, c'est la sélection Ziz qui a lieu dans la salle de Imagest. Donc c'est des films qui sont non plus décalés. C'est des films qui ont déjà un public assez précis et je vous invite vraiment à découvrir. Et nous avons ensuite un DJ Pinchado, un DJ d'Argentine qui va nous faire danser au rythme de la cumbia. Petite précision, pour la projection en plein air, à 21h15, comme pour la projection à 23h de la sélection Ziz, je vous recommande d'y arriver assez tôt parce que les salles deviennent remplies. Pour le plein air, ne vous inquiétez pas, le film, s'il pleut, sera projeté dans notre salle de réplique qui est au conservatoire. Exactement, donc c'est la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, samedi 25 août, à partir de 19h30, donc dans la cour de la manufacture. Là, pour y accéder, l'entrée est libre, hein, on le rappelle. Oui. Et pour toutes les projections, c'est 3,50€, un tarif unique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On retrouve bien sûr tout le programme sur le site du festival, www.fifnl.com. Et on se retrouve demain, Pilar, pour la suite du programme. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.